Chapitre 14. Installation de Mademoiselle Primrose, éducation de Geneviève. Quand la confusion de Mademoiselle Primrose fut passée, elle examina son appartement. « À la bonne heure, s'écria-t-elle, voilà un joli appartement, et bien meublé, et tout ce qu'il faut sous la main. Venez donc voir Azéma. »« Azéma, où êtes-vous » Serait-elle sortie par hasard? Je parie qu'elle est restée dans la cuisine, à jacasser avec toutes ses femmes. « Je ne comprends pas ces bavardes qui parlent comme des pies à propos de rien, qui disent cent paroles pour une. Cette Azéma, elle ne vous laisse pas dire un mot. Il faut toujours que ce soit elle qui ait la parole, si du moins elle vous apprenait quelque chose. Mais non, jamais rien. » Mademoiselle Primrose continua à parler ainsi, toute seule, jusqu'à l'arrivée d'Azéma. Ce fut alors un flot de paroles, bien autre que ce qu'elle reprochait à la pauvre fille, qui n'eut pas le temps de placer un mot. Pendant que Mademoiselle Primrose rangeait ses affaires dans la chambre, Geneviève revenait à plaisance avec Pélagie et Ram, celui-ci outré de l'oubli de Mademoiselle Primrose. « Moi, jamais laissé aller petite maîtresse seule avec cousine, marmonnait-il tout bas. Elle parlait et pensait à rien, oubliait petite maîtresse. » Quand Geneviève fut de retour, que Mademoiselle Primrose l'entendit revenir, elle courut pour la recevoir. Ram se précipita au-devant de Mademoiselle Primrose et voulut l'empêcher d'avancer en se mettant devant Geneviève. « Laisse-moi passer, Ram, » dit Mademoiselle Primrose. « Ram. »« Non, vous, pas passer, » Mademoiselle Primrose. « Qu'est-ce qui vous prend donc ?» Ram. « Vous oubliez petite maîtresse. »« Imbécile !» cria Mademoiselle Primrose en lui donnant un léger coup de poing dans l'estomac pour le faire reculer. Ram. Ram pas bougé, Ram pas content. Geneviève avait ri d'abord en voyant la contestation de Mademoiselle Primrose avec Ram, mais quand elle vit l'obstination qu'il mettait à barrer le passage, elle lui prit le bras en disant « Laisse passer ma cousine, mon bon Ram, tu vois bien qu'elle est fâchée de m'avoir oublié. Voyons, Ram, écoute-moi, ne sois pas entêté. Veux-tu me faire de la peine en étant impoli pour ma cousine ?» Ram abaissa les bras et se rangea en disant d'un ton radouci « Moi, faire comme veut petite maîtresse. » Geneviève s'approcha de Mademoiselle Primrose, qui était rouge de colère. Elle lançait à Ram des regards furieux et ne songeait plus à embrasser Geneviève. Mademoiselle Primrose « Je vais vous faire gronder, monsieur Ram. Je dirai à mon cousin que vous êtes un grossier. » Ram. Et Ram plus raconter d'histoire à Mademoiselle Primrose. Pas dire quoi dit Moussu Dormer, pas raconter quoi fait Moussu Georges, Moussu Jacques, Mademoiselle Primrose, plus rien savoir, voilà. C'est qu'il le ferait comme il le dit, pensa Mademoiselle Primrose. C'est méchant, c'est nègre. Elle tendit la main à Ram, et il se mit à rire. Ram. Moi savoir pourquoi vous aimez et moi pas peur. Mais moi pas serrer main qui donne coup dans l'estomac à Ram. Mademoiselle Primrose rit aussi et s'en retourna avec Geneviève. Mademoiselle Primrose. « Vois-tu, Geneviève, comme ma chambre est jolie. Tu viendras prendre des leçons chez moi. Je t'apprendrai l'histoire, la géographie, le dessin, la musique, tout ce que tu ne sais pas. » Geneviève. « Oh, que je serai contente, ma bonne cousine. J'ai tant envie d'apprendre et je ne sais rien. » Mademoiselle Primrose acheva de s'installer et prépara les objets nécessaires pour les leçons que Geneviève demandait à commencer dès le lendemain. Mademoiselle Primrose passa la première soirée à parler à M. Dormer de son désir de donner quelque instruction à Geneviève, mais il lui fallait, disait-elle, la permission de son cousin, qui la lui donna avec empressement. Mademoiselle Primrose. « Vous voulez donc bien, mon cousin, que je lui apprenne l'histoire, dont elle ne sait pas le premier mot ?» M. Dormer. « Sans doute, ma cousine, cela va sans dire. » Mademoiselle Primrose. « Vous comprenez, mon cousin, que l'histoire est une étude nécessaire pour une petite fille. Personne n'en a soufflé mot à cet enfant. Si je n'étais pas là pour la lui apprendre, elle serait ignorante comme une cruche. Il faudra aussi que je lui apprenne le calcul. Elle ne sait seulement pas que deux et deux font quatre, la pauvre enfant. « Vous permettez, mon cousin, n'est-ce pas ?» M. Dormer impatienté. « Oui, oui, trois fois oui, ma cousine, tout ce que vous voudrez, le chinois, si vous voulez. » Mademoiselle Primrose. « Oh, le chinois, je n'en sais pas un mot. Comment voulez-vous que je lui apprenne le chinois ? Quelle idée vous avez en éducation? À quoi lui servirait le chinois? C'est absurde, le chinois! C'est fort heureux que vous ne vous soyez pas mêlé de l'éducation de Geneviève. Cette invention de lui apprendre le chinois. Monsieur Dormer de même. Mais ma chère cousine, c'est une plaisanterie que j'ai faite, afin de vous faire voir que j'avais toute confiance en vous pour lui apprendre tout ce que vous voudrez. Mademoiselle Primrose. Il ne faut jamais plaisanter sur l'éducation. C'est une chose très sérieuse que l'enseignement. À propos, je dois vous prévenir que si je ne reste ici que 15 jours, je n'aurai pas le temps de lui rien apprendre. Dans l'intérêt de Geneviève, il faut que je vous demande de me garder plus longtemps. Monsieur Dormer. C'est une bonne pensée dont je vous remercie, ma cousine. Mademoiselle Primrose. Combien de temps puis-je passer chez vous? Monsieur Dormer. Tant que vous voudrez, 6 mois, 1 an, 10 ans, si vous voulez. Mademoiselle Primrose. Quelle exagération, 10 ans, comme si je pouvais répondre de rester 10 ans chez vous. Monsieur Dormer. Enfin, ce sera le temps que vous jugerez nécessaire, ma cousine. C'est vous qui déciderez la question. La conversation continua sur ce ton pendant 1 heure. Enfin, Monsieur Dormer, ennuyé, fatigué et à bout de patience, lui proposa une partie de piquet qu'elle accepta avec plaisir. Le lendemain et les jours suivants, il eut soin de proposer la partie de piquet ou de tric-trac après la première demi-heure de leur tête-à-tête. Il invitait souvent des voisins pour dîner et passer la soirée. La paix était faite depuis longtemps entre Mademoiselle Primrose et Ram. Quand celui-ci vit Geneviève si contente des leçons que lui donnait Mademoiselle Primrose, Ram perdit le peu de ressentiment qu'il conservait contre la grosse cousine et vint souvent écouter les leçons et admirer les progrès de sa petite maîtresse. Ce qui l'intéressait le plus, c'était le dessin. Geneviève fit en peu de temps des progrès extraordinaires. Mademoiselle Primrose dessinait et peignait fort bien. Geneviève aimait beaucoup le dessin, et chaque leçon était un progrès. Un jour, Mademoiselle Primrose voulut faire le portrait de Geneviève. Ram le vit quand il n'était que commencé, mais la ressemblance y était déjà. Il le reconnut et témoigna sa joie en battant des mains, en sautant et en criant. « Petite maîtresse! Petite maîtresse à Ram !» Mademoiselle Primrose. « Chut, taisez-vous, Ram! Il ne faut pas le dire avant que ce soit fini. Je veux faire une surprise à Monsieur Dormer, qui ne sait pas que nous dessinons. » Ram. « Moussu Dormer pas savoir. Ram savoir. Ram bien content. Moi dire à Mlle Pélagie. » Mademoiselle Primrose. « Non, non, à personne, Monsieur Dormer le saurait. » Ram. « Quoi ça fait, Moussu Dormer saurait? Moi dire à Moussu, Moussu pas parler, pas dire à personne. Mlle Primrose pas vouloir, quoi ça fait? Mlle Primrose. Cela fait qu'il le saurait, et je ne veux pas qu'il le sache. Ram. Moi comprends pas. Mlle Primrose. C'est égal, je ne veux pas que vous le disiez. Ram. Moi pas comprendre. Mlle Primrose. Ne comprenez pas, mon cher, mais taisez-vous. Faites comme si vous ne le saviez pas. Ram. Moi savoir pourtant. Moi peut pas savoir puisque moi savoir. Mademoiselle Primrose. Dieu, qu'il est impatientant. Geneviève, fais-lui comprendre qu'il se taise. Mon bon Ram, toi tu sais que ma cousine fait mon portrait parce que tu es mon ami. Mais les autres ne sont pas mes amis et nous ne leur dirons pas. Tu sais bien que les amis ne disent pas tout aux autres parce qu'ils ont des secrets. Eh bien, c'est un secret. Et toi seul, tu le sais parce que tu es mon ami, comprends-tu? Ram. Oui, moi comprendre, petite maîtresse. Moi, dire rien à personne. Mademoiselle Primrose. C'est très bien. Quand j'aurai fini, Geneviève, je ferai votre portrait à vous. Ram. À moi? À Ram? Mademoiselle Primrose. Oui, à vous-même. Ram. Comment, mademoiselle Fernoir? Mademoiselle Primrose. Avec de la couleur, je peindrai votre portrait. Ram. Pourquoi, mademoiselle, pas faire rose et blanc, petite maîtresse? Mademoiselle Primrose. Parce que c'est long à faire, et à cause de ses leçons, Geneviève n'a pas le temps. Ram ne dit plus rien, mais il pensa qu'il regarderait faire mademoiselle Primrose, et qu'il saurait bien peindre comme elle le portrait de Geneviève. Monsieur Dormer était assez content d'avoir chez lui sa cousine Primrose. Elle l'ennuyait quelquefois par son bavardage. Mais toutes ses matinées, ses après-midi étaient prises par les leçons qu'elle donnait à Geneviève et par ses propres occupations, de sorte qu'il ne la voyait guère qu'aux heures des repas et le soir. Elle égayait le salon par sa gaieté et le sans-gêne qui ne l'abandonnait jamais. Elle riait même en se fâchant. On la voyait généralement avec plaisir. Et pour elle-même, la vie qu'elle menait était fort agréable.